Le vendredi 10 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Ces jours de grève pour quelques 200 ambulanciers de Québec affiliés à la CSN, sans convention collective depuis 2 ans. Ils demandent de meilleures conditions salariales et un meilleur régime de retraite. Ils reprochent également au gouvernement de s'être retiré des négociations. Les ambulanciers assurent que les services essentiels à la population seront maintenus. L'entreprise Binox, située dans le quartier Saint-Roch, coupe une 20aine de postes. La société a annoncé qu'elle fermait son unité de test de jeux vidéo qui a contrôlé la qualité de nombreux titres au fil des ans, dont le dernier Call of Duty, qui a été réalisé en partie au bureau de Québec. Un porte-parole de Binox a fait savoir que cette annonce n'entraînerait pas une diminution de son influence au sein de la multinationale Activision. Scène judiciaire maintenant. Samuel Huot a été jugé apte à comparaître en lien avec des propos haineux tenus sur les réseaux sociaux. L'homme de 20 ans avait publié des messages racistes et islamophobes sur Facebook seulement quelques jours après l'attentat perpétré contre la Grande Mosquée. Il avait par la suite subi des examens psychiatriques. Il a été libéré ce matin sous plusieurs conditions, dont celle de ne pas utiliser Internet. Son retour en cour est prévu le 13 mars. Et c'est une fin de semaine chargée en activités qui s'amorce à Québec. Ce sera d'abord les derniers jours du 63e Carnaval de Québec, avec notamment le traditionnel défilé de nuit de la Haute-Ville qui sera présenté devant des milliers de festivaliers dès 19h. Par ailleurs, le 12e Jamboree accueille à Québec et Stoneham les coupes du monde de ski acrobatique, de grands sauts, de descente acrobatique et de planche à neige. Et puis enfin, il y a le tournoi international de hockey Pee-Wee qui bat son plein jusqu'au 19 février. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. À la météo, c'est généralement ensoleillé aujourd'hui à Québec. Des vents de 20 km/h avec rafales à 40, un maximum de moins 14 à atteindre cet après-midi. Cette nuit, il fera moins 29 avec le refroidissement éolien. Demain samedi, c'est de la neige, accumulation de 2 à 4 cm, maximum moins 11 demain et moins 28 avec le facteur éolien. Et dimanche, de la neige intermittente, maximum de moins 5.